cousin Nico. Écoute, yo. Car ça m'enchantait pas de devoir porter ce triste costume durant plus d'une heure entendre parler de toi, mais à titre posthume. Le moindre souvenir devient perle et je me retiens certes de pleurer. Je veux pas que les autres me voient faible, mais je ne cesse de les leurrer. Car ça fait mal quand tu réalises le drame. Je peux visualiser le crash, ça m'a brutalisé le crâne. Depuis que je l'idéalise la scène, m'attriste toujours autant et seul. Cœur saigne dans ma chambre, j'esquive les flaques de larmes. J'inspire puis expire, mais dans le vif la peine me gagne. Je me demande si tristesse deviendra rage, puisque la haine me nargue. Contre l'idée que tu sois parti, il faut que j'arrête de me battre. Mes 25 février maudits à jamais me marquent. Je remarque qu'un jour je serai mieux, je regarde vers les cieux. Je me dis que sur nous tu veilles et que la nuit les étoiles sont tes yeux. Je médite, je reste taiseux, j'écris. Le soir quand c'est à vous que je pense, je décris mes idées noires durant cette marche blanche. Mais Nico, c'est bizarre, ça ne m'aide pas. T'imagines pas la douleur que j'ai eue voyant ton visage se faire part et je m'exclame. Mais je soupire au fait, faut soutenir. Si nous n'aurons plus que nos souvenirs pour te revoir le sourire aux lèvres. Si j'écris ce texte, n'est sûrement pas pour en faire un martyr. Le temps passe vite, voilà déjà plus d'un an et demi que tu es parti. C'est jamais facile quand les coups durs je les encaisse. Pour la centième fois je réalise que c'est fou comme le manque m'attriste.